Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 5 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, une série de Madeleine Mukamabano réalisée par Mehdi Eladj et remontée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a un printemps meurtrier, il y a 25 ans, et une série qui a fait date et qu'on est fier de rediffuser, mais sous un autre format puisqu'au départ il y avait 5 épisodes de 75 minutes. En 1999, la journaliste franco-rwandaise Madeleine Mukamabano était allée enregistrer les témoignages de rescapés, mais aussi de certains génocidaires et de plusieurs intellectuels condamnés à revivre ensemble. Alors pour commencer, les personnages. Un jésuite qui veut être lucide, des religieux en prison, des missionnaires qui ont réécrit l'histoire, un journaliste qui déroule le fil, des évêques compromis et un père protestant en prison. Ensuite le décor, des chants religieux, de l'idéologie partout, des enjeux de pouvoir, les désastres de la colonisation, des massacres, des choix politiques, l'aveuglement, l'histoire qui se répète, une église politisée et compromise, le négationnisme, une sinistre langue de bois, le mensonge et le déni. Aujourd'hui, 3e épisode, on est en pleine nuit. Rwanda, 1999. Revivre à tout prix. Mehdi Eladj, Madeleine Mukamabano. Au Rwanda, l'Église catholique a toujours joué un rôle politique et social de premier plan. Des évêques missionnaires comme Mgr Classe pendant les années 30 ou Mgr Perraudin à l'époque des indépendances ont été de véritables acteurs politiques. Sur le plan social, l'Église a toujours été le principal reflet de la modernité naissante. Elle a formé la quasi-totalité des élites du pays, initié les premiers centres de santé ou les premières coopératives de production. Avec la destruction des valeurs socio-religieuses traditionnelles, l'Église catholique est devenue peu à peu la seule référence morale pour la majorité des Rwandais. Elle ne sort pas indemne du génocide. Des chrétiens ont tué d'autres chrétiens dans des lieux saints. Des religieux sont accusés d'avoir encouragé les assassins, livré des victimes aux tueurs ou d'avoir participé eux-mêmes au massacre. Deux prêtres ont déjà été condamnés à mort pour génocide. En froid avec une partie de ses fidèles, l'Église catholique est minée aussi par des clivages ethniques et par le malaise de certains de ses membres. De simples prêtres Hutus et Tutsis, gênés dans leur travail apostolique par toutes les rumeurs sur les responsabilités de l'Église dans le génocide, supportent de moins en moins l'attitude d'une hiérarchie sur la défensive qui, loin de se remettre en question, dénonce une campagne de persécution destinée à ternir son image. Ce soir, des chrétiens dans la tourmente. Père Octave, jésuite, secrétaire général de la commission épiscopale Justice et Paix. Je crois que l'Église au Rwanda fait partie de la communauté rwandaise, de la société rwandaise. Et donc tout ce qui se fait de bon et tout ce qui se fait de bien, l'Église a une part. Ça c'est incontestable. On dit que nous sommes plus de 50%, les catholiques du moins, avec les protestants, on va jusqu'à 90%, 80% de chrétiens. Donc, ils ont prêché l'évangile, les valeurs morales de l'évangile, qui est l'amour, l'abnégation, etc. Alors, on se demande comment cette société, cette communauté nationale qui est la plus chrétiennement la plus nombreuse d'Afrique, la plus dense, pour ainsi dire, avec le Burundi, comment cette société a sombré dans le génocide. L'Église est aussi responsable qu'on importe que l'État rwandais, que les associations des droits de l'homme rwanda qui sont restées complètement paralysées et qui ont assisté à l'hécatombe, tout simplement. Donc, je dis que nous sommes tous responsables. Du coup, l'Église y compris. Et l'Église peut être accusée parce que j'étais justement l'autorité morale. Et en fait, moi, je crois que dans la manière de la presse et les autres parts de l'Église, il y a une profonde déception. Ce n'est pas tellement la haine de l'Église. C'est la déception que cette structure puissante et moralement puissante, quoi, n'a rien produit. On attendait des gestes héroïques de l'Église, comme quand il prêche l'évangile, on parle de donner sa joue à celui qui vous fera sa autre joue. Des gestes héroïques, il n'y en a aucun qui s'est manifesté. Il y a quand même quelques personnes qui se sont comportées de façon extraordinaire. Mais en général, donc, c'est une profonde déception de voir que celui qui était le garant moral, celui qui pouvait peut-être nous sauver, n'a rien fait. Donc cette déception est compréhensible. Qu'est-ce que c'est ici? C'est le culte pour les adventistes. Il y a des pasteurs de l'extérieur qui viennent nous encadrer. Aujourd'hui, je vois qu'ils ne sont pas arrivés. Ce sont les prisonniers, et même parce qu'il y a des pasteurs qui étaient pasteurs même avant et qui sont emprisonnés ici. Ce sont eux qui animent le culte. Chez les femmes, vous allez verrez aussi, il y a les sœurs qui sont en prison. Les religieuses? Oui. Est-ce qu'il y en a, il y a des religieux qui ont avoué avoir commis des crimes de génocide? Ça, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Peut-être qu'on va poser la question quand on va y arriver. Private Rotazeboa, le journaliste. Il faut dire que les missionnaires sont les premiers ethnographes du pays. C'est eux qui ont écrit notre histoire, qui l'ont présenté à l'Occident. Et là, je crois, il y a déjà une certaine confusion, parce qu'eux, ils ont identifié justement la classe dirigeante au seul Tutsi, ce qui n'était pas vrai. Donc, à l'époque où ils sont arrivés, où les premiers colons sont arrivés, le Rwanda était dirigé à sa façon, bien sûr. On pouvait dire peut-être que les Tutsis pouvaient être en grande proportion dans le pouvoir, mais dans différents secteurs du pouvoir, toutes les ethnies étaient représentées. Il y avait une certaine harmonie relative, donc avec toutes les réserves qu'on peut émettre, conforme au contexte historique de l'époque. Mais c'est que je crois, le mal que nous ont fait les premiers missionnaires, c'est qu'ils ont écrit notre histoire en l'ethnisant. Et donc, ils ont identifié la classe dirigeante au seul Tutsi, et ils ont présenté les choses comme cela, ce qui n'était pas le cas. Et ils ont même influencé l'administration coloniale pour qu'elle puisse changer. Donc, là où il y avait encore des Hutus dans l'administration, qu'on les élimine pour qu'on place des Tutsis qui étaient réputés, selon les critères des missionnaires, meilleurs dirigeants, naturellement doués des qualités de bons dirigeants, tout ça. Ils ont influencé énormément l'administration. Ce qui fait que, disons, la situation qu'on a, contre laquelle on a prétendu faire une révolution en 59, c'était plutôt une situation caricaturale qui avait été mise en place à la fois par l'Église, donc par l'administration coloniale, mais incitée par l'Église. Alors je crois que si les hommes d'église de l'époque, comme Mgr Perraudin, avaient été honnêtes, en fait, ils auraient dû remettre en question leur schéma, leur propre schéma, le schéma de leur dévancier, Mgr Classe et les autres. Mais ils ont préféré plutôt s'en prendre à des gens, à une ethnie surtout, une ethnie qui n'avait pas que des dirigeants. Le gros de la population Tutsi, c'était des misérables personnes qui vivaient dans les campagnes, avec les Hutus, côte à côte, dans les mêmes conditions de vie. Donc, Je crois qu'à l'origine, il y a eu cet amalgame, donc cette mauvaise analyse. Et il s'est fait que ces missionnaires-là, ils ont été les premiers enseignants aussi. Parce que même justement, les acteurs principaux, les acteurs rwandais des années 60, c'était effectivement des enfants qui ont été éduqués par ces missionnaires, qui ont inoculé plus ou moins ce venin de complexe ethnique, hutu minable, disons, qu'on doit mépriser, un tutsi qui avait un certain complexe de supériorité. Donc tout ça, je crois que c'est une responsabilité de l'Église, mais qui n'a jamais été remise en question par les missionnaires révolutionnaires, entre guillemets, des années 60. Alors, c'est déjà, tu vois, c'est des contentieux qui s'accumulent, mais où le rôle de l'Église reste toujours prépondérant. Mais là aussi, je crois qu'il devait y avoir certainement des motivations qui n'étaient pas forcément évangéliques. Donc, il y avait des intérêts aussi des missionnaires étrangers comme Mgr Perraudin, qui, quelque part, liait son sort au sort des autres colons. Père Octave. L'Église, nous semble-t-il, a prêché l'Évangile. Je crois qu'au point de vue prédication, au point de vue enseignement, on ne peut rien reprocher à proprement parler. Seulement, il y a un certain comportement peut-être qui a fait que l'Église devait être. L'Église est jugée de façon négative actuellement. C'est que l'Église a été une puissance dans l'État. Nous disions tout à l'heure que, au temps de Mgr Classe, en fait, c'est l'Église qui faisait marcher l'État colonial. En 1931, nous avions un roi. Quand les colonisateurs allemands sont arrivés, ils se sont appuyés sur le roi et tous ses chefs. En 18, quand les Allemands sont partis, les Belges ont continué la même politique de s'appuyer sur la dynastie. Avec les chefs, etc. Mais comme Mgr Classe était vraiment une puissance, et que le roi de cette époque-là, qui s'appelait Yuhi V Musinga, se refusait à l'évangélisation, il ne voulait pas du tout que les gens soient baptisés, et même montrer un certain mépris pour les valeurs de la civilisation occidentale qu'on lui proposait, Mgr Classe, qui était puissant, a conseiller à l'État, à la puissance coloniale belge de le démettre. Tout simplement le démettre et l'envoyer en exil pour mettre à sa place son fils, Mutara III Rudahigwa, qui était catéchumène, donc quelqu'un qui pouvait marcher avec l'Église et l'État. Donc à ce moment-là, c'était l'Église en fait qui dirigeait l'État. Plus tard, en 1959, quand l'Église a changé. 1959, c'est la fin, c'est une manière ironique de parler, de la type coloniale. C'est un moment où les Hutus, donc la population Hutu, commence à se réveiller et demande que les privilèges qu'avaient les Tutsis leur soient donnés parce qu'ils étaient, c'était la majorité, ils étaient toujours la majorité, plus de 80% de la population rwandaise et hutu. Or, la cause de Mgr Classe, qui avait une haute idée des Tutsis, les écrits le montrent de façon très claire, en disant que c'était des gens qui étaient faits pour commander, et des hommes très fins, qu'il fallait absolument compter avec eux, et que les hutus étaient faits pour obéir et marcher tout simplement. Et cette idéologie a été malheureusement partagée par beaucoup. Même les Tutsis y ont cru, ce qui était pour leur malheur, évidemment, mais enfin, ils y ont cru parce que c'était à leur avantage. Or, vers les années 59, le roi Mutara III commence un peu à prendre la distance avec les missionnaires, plus ou moins, parce qu'ils songent à l'indépendance. Nous allons vers les années 60 et les années de l'indépendance. Et partout, ça bougeait. Et alors, c'est le roi, avec son conseil supérieur, le conseil supérieur du pays, qui commence à penser à demander l'indépendance. Ce qui est juste, ce qui est tout à fait correct. Mais alors, pour les colonisateurs, c'était mauvais. C'est ainsi que et la colonie et l'Église se sont retournées contre les Tutsis qui étaient au pouvoir pour les faire remplacer par la population majoritaire qui était autour, en disant que c'était la démocratie. Alors l'Église donc a joué un rôle important dans cette période préparatoire et dans le changement. Quand on éjecte les Tutsis pour mettre les Hutus au pouvoir, l'Église est présente aussi par la personnalité de Mgr Perraudin, qui était évêque à cette époque-là et qui certainement avait une idée très très claire aussi, autant que là, ils avaient ce clair sur les Tutsis comme eux. L'autre avait son idée que la justice sociale demande que ce soit la majorité qui prenne le pouvoir et que... La lettre qui est écrite en 59... La fameuse lettre pastorale expliquait les choses très calmement d'ailleurs. Et quand on lit cette lettre, on ne comprend pas comment elle a déclenché de ce qui s'est passé. La lettre disait qu'il fallait absolument que la société rwandaise change, que la justice voulait qu'il n'y ait pas une race qui domine l'autre. C'est comme ça que la lettre dit. Il ne dit pas qu'il faut que les Hutus dominent, mais suggère simplement qu'il n'y ait plus de privilège d'une race que d'une autre. Mais il y a toujours cette histoire-là de la race, que la race, une race ne peut pas accaparer le pouvoir, qu'il fallait que ça change. Quelques temps après, le roi du Rwanda est mort à Bujumbura. Moi, je dis qu'il est mort inopinément. Et toujours est-il que donc, ça déclenche l'histoire. Donc, pour la colonie et pour la mission, le roi est mort... Il ne dit pas vive le roi, vive la démocratie ou tout, maintenant que le roi est mort. Alors, le jour de l'enterrement du roi, les dignitaires de la cour ont intronisé, pour ainsi dire, désigné le nouveau roi. Dans la tradition rwandaise, on ne peut pas enterrer le roi avant que le successeur ne soit désigné. Le successeur, c'est un certain Kigeli V, désigné le roi, qui est un jeune homme pas très formé, mais enfin, c'était le plus proche au point de vue de la dynastie, au point de vue de la descendance dynastique. Il y a eu évidemment une tension extrême. Le roi lui-même avait peur et là, il a fait assassiner quelques meneurs Hutus, par des Tois d'ailleurs. Et alors c'est le déclenchement de l'assassinat des Tutsis. Pas seulement les Tutsis qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire les chefs et les dignitaires de la cour, les autres qui avaient profité suffisamment de l'ancien régime, mais tous les Tutsis. Les plus petits, les plus pauvres, les cultivateurs comme les autres, on s'est permis de leur brûler leur maison, de les envoyer au diable, de les envoyer en exil, même de les tuer. Alors, ce qui est remarquable, donc, on peut dire, c'est que cela se passe sous les yeux de Mgr Perraudin, qu'on accuse d'avoir incité tout cela, et il ne dit rien. Il ne dit rien. Tout est lié. Il y a d'abord une certaine idéologie qui a été conçue et diffusée avec l'appui de l'Église. Private Rotazibwa. Et puis, il y a une certaine culture surtout qui a été mise en place. Donc, quand on voit une population, je crois, à plus de 60% catholique, je crois les statistiques de 81 disaient que les catholiques, je crois, étaient estimés à environ 61%, je crois. Donc, c'est une population majoritaire dans le pays. Donc, alors, quand ils ont cette bonne conscience... Qui tiennent d'une église qui évangélise continuellement et qui les rabat du même message. Donc, ils ont quelque part cette bonne foi, cette bonne conscience et qui les immunise quelque part. Donc, ils peuvent commettre des crimes tout en se disant que bon, ils ont la bénédiction de l'église. Alors, il y a ce rôle-là, il y a cette part de responsabilité plus ou moins qui consiste à préparer plus ou moins le terrain à mettre en place une certaine culture, quoi. De complaisance par rapport à des idées criminelles et à des actions criminelles aussi. Mais d'autre part aussi, on a vu des prélats, donc en dehors des discours parfois incendiaires et vraiment criminels qu'ils ont tenus. Il y a un exemple justement que les gens ne connaissent pas beaucoup. Il y a ce qu'on a appelé la lettre de Rwesero. Le contexte, c'était un contexte de conflit au sein de l'Église. Donc, il y a d'abord un groupe de prêtres, les prêtres rwandais, qui avait demandé, lors d'un passage d'un haut responsable de Rome, en 69, c'était à l'occasion, je crois, d'un jubilé de 75 ans d'évangélisation du Rwanda, je crois, ils avaient demandé à ces représentants du pape qui étaient de passage au Rwanda qu'ils puissent leur permettre de s'organiser au niveau national, qu'ils puissent avoir une association de prêtres Alors, ils ont reçu l'autorisation, ils ont constitué cette association qui a commencé à travailler. Ils faisaient du bon travail, ils pouvaient se rencontrer, se dire, bon, on peut avoir une stratégie d'évangélisation, une stratégie pastorale commune, pardon, parce que tous avaient fréquenté le même séminaire et ils se disaient, on agit plus ou moins dans le même contexte social. Alors, ils faisaient du bon travail, mais très rapidement, certains évêques ont commencé à se sentir menacés, entre autres Mgr Perraudin. Parce que dans leurs travaux et dans leurs écrits, parfois ils remettaient en question une certaine pratique, justement cette connivence de l'Église avec un certain style idéologique qui n'était pas, qui était de mise depuis 59 et qui continuait dans le pays. Alors Mgr Perraudin s'est senti menacé et il a créé une scission, il a créé disons, un petit groupe là de dissidents, constitué notamment des prêtres de Ruhengeri et de Kabga et son diocèse même. Alors ils étaient un groupe de 33 prêtres. Ils se sont réunis à Rugesero, c'est dans le nord, à Byumba. Et ils ont sorti une lettre incendiaire pour dire « Nous refusons cette association de prêtres rwandais qui se trouve être dominée par des Tutsis, disait-il. Et nous demandons, entre autres, que l'Église du Rwanda, les évêques notamment, fassent attention à la formation des prêtres. Parce qu'à Nyakibanda, au grand séminaire, la majorité des séminaristes disaient « La majorité des formateurs, c'est des Tutsis ». Avait demandé que les évêques appliquent une proportion stricte comme celle que venait d'imposer le pouvoir, donc de 90% des prêtres au grand séminaire Hutu, pour permettre, disait-il, un bon cheminement des prêtres, des séminaristes et des futurs prêtres Hutu, parce qu'ils estimaient que la population devait avoir des pasteurs, donc des prêtres qui sont de son terroir, quoi, des Hutu en majorité. Comme la population est en majorité Hutu, il fallait avoir des prêtres en majorité Hutu. Et ils ont exigé cela, donc des évêques. Ils ont sorti une lettre très, vraiment terrible. Et c'était juste en 72, donc quelques mois avant les violences de 73. Et ils prédisaient déjà ces violences, ce qui est très étonnant. À l'avance, ils pouvaient prédire ces violences en disant, voilà, dans les écoles, dans la fonction publique, dans tous les secteurs de la vie, les Tutsis, les descendants des Tutsis, avec des termes très, très méchants, disaient les Tutsis ou les congénères des Tutsis féodaux, qui ont été chassés du pouvoir en 59, ils commencent à se repositionner dans tous ces secteurs-là. Alors, dans les proportions, qui dépassent disons, les normes acceptables, quoi. Alors, ils disaient que les évêques d'abord le fassent avec l'Église, qu'ils fassent l'équilibre ethnique, et que dans les autres secteurs aussi, que le pouvoir soit interpellé. Sinon, si vous ne le faites pas, il y aura une seconde révolution. Il l'annonçait déjà. Et quelques mois après, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu des violences, on a tué des Tutsis, on a chassé des Tutsis de la fonction publique et des emplois et des écoles et des universités. Ils sont partis. Donc, déjà quelques mois avant, un groupe de prêtres pouvait annoncer ce qui pouvait arriver. Donc, pour dire qu'il y avait déjà des connivences, même dans la préparation de ces violences de 73. Alors, ça, c'est un exemple. Donc, un document comme celui-là, il circule, il y a des gens qui l'ont signé, qui sont encore en fonction aujourd'hui, qui sont devenus des prêtres, d'autres des évêques, je ne sais quoi. Donc, des gens qui sont très influents par ailleurs dans le clergé du pays. Avec le coup d'état du général Habyarimana, les relations toujours étroites entre l'Église et le pouvoir changent un peu de nature. La nouvelle équipe, beaucoup plus instruite, obéissait moins aux injonctions du clergé. Mais elle était aussi plus réaliste. Elle savait que les prêtres avaient une réelle emprise sur les populations, que les missionnaires, encore nombreux, étaient écoutés dans leur pays d'origine, pays pourvoyeur d'aide au Rwanda. Et le nouveau pouvoir, au lieu de prendre ses distances avec l'Église, va l'instrumentaliser, allant jusqu'à nommer l'archevêque de Kigali, membre du bureau politique du parti unique qui venait de se créer. Donc nous sommes avec Kayibanda. Kayibanda est renversé en 1973. Et c'est Habyarimana qui prend le pouvoir. C'est un militaire du Nord, donc une sorte de. En fait, il y avait une mésentente entre Hutu et même, parce que Kayibanda était du Sud, du Centre, tandis que les gens du Nord, qui sont majoritairement Hutu, là, il y avait seulement 90%, même 15% de Hutu. Il y avait quelques Tutsis qu'on avait envoyés là comme chef, grâce à la colonie d'ailleurs, ce n'est pas le roi qui l'a fait, c'est la colonie qui a voulu uniformiser le pouvoir en mettant tout sous la juridiction du roi pour pouvoir mieux l'utiliser et dominer tout l'autre bazar. Donc les gens du Nord se croient complètement abandonnés, lésés, où effectivement ils ne sont pas, n'ont pas part au gâteau. Et donc ils font le putsch de 73, un putsch militaire, mais sans effusion de sang. Habyarimana a profité du fait que M. Kayibanda, président de la République, perdait la tête. Il sentait que le pouvoir lui échappait, alors il a organisé en 72-13 une sorte de rébellion, comme ça. Comment les Tutsis, ils ont tout, on doit les chasser de la fonction publique, de toutes les écoles, et même de les tuer. Alors, Habyarimana en a profité pour stopper les violences et se proclamer président de la République pour sauver le Rwanda. Les Rwandais et proclamé que c'était la fin du fameux parti monoethnique, par Mobutu, qui va remplacer plus tard par le mouvement national MRND, qui en fait devient aussi le parti unique. Mais Habyarimana est très malin. Et alors lui, cette fois-ci, c'est lui qui va utiliser l'Église. Alors qu'avant, avec Mgr Classe et Mgr Perraudin, c'est l'Église pratiquement qui faisait marcher le chef de l'État avec tout son appareil. Ici, c'est vraiment Habyarimana qui va utiliser l'Église en venant des faveurs. Il a pris l'archevêque de Kigali pour en faire membre du comité central du parti, un dignitaire très très haut, avec toutes sortes de privilèges. Ce qui vraiment a tenu la tête et Mgr Vincent Senghoumoulemi, archevêque de Kigali, était vraiment convaincu que Habyarimana c'était le salut. Il mettait dans les prières de la messe des prières spéciales pour le général-major Habyarimana Juvénal. Et bon, alors il a entraîné aussi les autres évêques dans ce siège-là. Habyarimana a utilisé l'Église d'une certaine manière pour asseoir son autorité. Voilà donc ce qui fait que au moment du génocide, et tout ce qui l'a précédé, les évêques ne pouvaient pas parler. En 1990, c'est l'attaque du FPR à partir de l'Ouganda. Donc, cette fois-ci, une attaque réelle, organisée, plus ou moins parfaitement. Mais donc, ça déclenche toutes sortes de mouvements. On enferme les gens, des simples citoyens, disant qu'ils sont complices, qu'ils ont des armes. Et moi, j'étais ici à cette époque-là. Mais à ce moment-là, il y a eu des prêtres qui ont été mis en prison. Est-ce que l'Église, en tant qu'institution, a réagi? Non. Je dois avouer que l'Église en tant qu'institution n'a pas réagi. Et je dirais presque qu'on la comprend, hein, parce que réagir aurait été dire vous êtes avec l'ennemi pour l'État rwandais. Si vous avez dit attention, il faut mettre les gens en prison comme ça, vous êtes aussi complices. C'est la crainte qu'ils avaient. Il faut dire donc qu'à cette époque-là, c'était quand même la majorité des prêtres, des évêques, c'était des Hutus. Et alors, c'était difficile de se détacher de cette solidarité raciale ou ethnique. Ça pouvait être considéré comme une trahison. Cette histoire de l'ethnisme, c'est un poison mortel. Ça traversait le clergé aussi. Ça traversait, je dirais, plus que l'épiscopat. Mais le clergé était divisé. Il y a des tentatives de créer une association des prêtres rwandais qui a été démolie, me refusait parce que il y avait encore beaucoup de prêtres Tutsis et donc ils avaient peur que cette association soit dominée par les prêtres Tutsis. Et donc la division ethnique marquait toute la communauté rwandaise. Et avec la guerre, évidemment, tout s'est exaspéré, vraiment exaspéré. Mais, alors on a commencé à tuer, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à tuer. Alors, au mois de janvier, je crois, 91, il y a eu l'assassinat des gens de Kibirira, au sud de la province, de la préfecture de Gisenyi. Donc, un pogrom, tuer des gens sur les collines, brûler, tuer tout le monde. Plus tard, il y a eu la mort d'une sorte d'exercice du génocide au Bugesera, et puis contre les Bagogwe, de nouveau au nord. C'était vraiment une histoire programmée, très bien faite, toujours sur le fond de guerre en disant c'est l'ennemi, ici au Bugesera, ont tué les gens en disant vous envoyez vos enfants en Ouganda pour grossir les rangs de l'ennemi, donc vous devez mourir. Toujours l'Église ne serait pas, ne pas réagir. Complètement bloquée. Oui, ils écrivaient des lettres pastorales, comme je vous disais, mais des lettres pastorales, on citait l'Évangile, c'est tout. Hein. Tu es pas, sois gentil, pratiquer l'amour du Christ, mais sans nommer ce qu'il fallait nommer, sans pointer le doigt sur ce qu'il fallait montrer. Ce qui est malheureux, c'est que les missionnaires ont pris parti. Ils étaient aussi pour l'écrasement pour écarter les Tutsis de toute manière. Donc il n'y a pas de réaction. Et alors, quand la guerre éclate, tout se cristallise autour de l'ethnie, l'ennemi, jusqu'au génocide. Dès la mort du président Habyarimana et le déclenchement des massacres, les évêques du Rwanda ont fait allégeance au gouvernement. Tout en dénonçant les violences, ils ont demandé aux Rwandais d'aider les nouvelles autorités dans la réalisation de leurs tâches. Mais la tâche consistait justement à tuer des civils. Alors, les évêques se sont tus. Quelques membres du clergé ont tenté de sauver des vies humaines. Mais on apprend aussi, par la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, que certains religieux ont délibérément livré les victimes aux tueurs. L'historien français Gérard Prunier, quant à lui, rappelle avec un certain étonnement que tout au long du génocide, les pères blancs envoyaient à leur hiérarchie des listes détaillées des religieux tués, en passant sous silence le massacre de leurs paroissiens. Et si les violences étaient évoquées, on ne nommait pas les auteurs. Sans doute, au nom de l'équilibre ethnique qu'il fallait garder, l'Église, elle, s'est toujours gardée de désigner les auteurs du génocide. En 1994, au mois d'août, 29 prêtres rwandais sont allés même plus loin. Ils ont écrit au pape pour démentir la responsabilité des Hutus dans le génocide qu'ils attribuaient aux Tutsis, mais aussi pour manifester leur opposition à la création d'une cour internationale qui devait enquêter sur les crimes commis au Rwanda. Aujourd'hui encore, cette volonté d'équilibre dans la culpabilisation collective des ethnies est manifeste. Elle est symbolisée par des polémiques stériles autour du nombre des victimes pendant le génocide. Les associations des droits de l'homme rwandaises et étrangères estiment qu'entre 800 000 et 1 million de Tutsis et de Hutus de l'opposition étaient massacrés en 3 mois. L'Église, elle, parle d'un double génocide. 500 000 Tutsis tués par des Hutus et 1 million de Hutus tués par les Tutsis. Cette idée de double génocide alimente tout un mouvement négationniste qui se développe au Rwanda, mais surtout à l'étranger, où certains des responsables du génocide rwandais ont trouvé refuge. Père Octave. Pendant le génocide, le Monseigneur l'archevêque, avec deux évêques qui étaient avec lui, sont allés à Kabakaï, à l'évêché de Kabakaï, c'est là qu'ils étaient près du pouvoir. Et j'ai entendu des prêtres qui accusaient vraiment les évêques, des prêtres qui étaient là avec eux, et qui leur disaient, mais Monseigneur, faites quelque chose, vous êtes en train de tuer les gens, vous êtes en train de massacrer, on prend les prêtres, des religieux, religieuses, vous allez les massacrer, vous ne faites rien. Et Monseigneur, l'archevêque de répondre, s'ils ont mal fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est leur faute. Quand on a mal fait, on doit être puni. Donc c'est cela qui fait que actuellement on dit que l'Église a été génocidaire, elle a trempé dans le génocide. En réalité, il y a pour au moins quelques ecclésiastiques qui se sont mal comportés, qui ont peut-être parlé de façon excessive, mais en réalité, on ne prouve pas qu'un seul prêtre a tué. On prend de la machette, tue un fusil, tue. Il n'y a aucun prêtre religieux qui aurait fait ça. Mais il y a une certaine complicité de la part de certains. Et c'est ça que, actuellement, on dénonce, on crie partout, l'Église est génocidaire, parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Le père Eustache, curé de la paroisse de Chirongi. L'Église catholique a toujours occupé un espace immense dans le milieu politique de ce pays. Depuis l'époque coloniale jusque même à l'heure actuelle, l'Église catholique avec ses structures, avec ses moyens, avec aussi l'adhésion massive de la population, a un rôle irremplaçable dans la réconciliation de ce pays. Et quel est son message aujourd'hui par rapport à la vérité et par rapport à la réconciliation? Un message plutôt ambigu. Tenez par exemple, on a des problèmes maintenant avec les personnalités religieuses qu'on accuse d'avoir trempé dans le génocide. Et l'Église ne sait pas comment s'y prendre parce qu'elle ne peut pas accepter cette vérité, ses conséquences, et non plus on ne peut pas continuer à faire la sourde oreille devant les récriminations de ceux qui demandent justice, justement. Alors il a un discours plutôt ambigu. Tenez par exemple, dernièrement on a eu quand même une déclaration assez importante du pape qui disait que les responsables religieux de l'Église catholique rwandaise qui auraient une quelconque responsabilité dans le génocide, devait accepter les conséquences de leurs actes. Mais quand vous voyez le remue-ménage qu'a créé l'arrestation, la dernière arrestation de l'évêque Misago, personnellement, je ne peux pas dire qu'il est coupable ou innocent, je ne sais pas. Mais comme citoyen rwandais, lui aussi justiciable de la loi rwandaise, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas répondre s'il y a tellement d'accusations contre lui. Je ne sais pas s'il y a des preuves irréfutables pour étayer ces accusations, mais on devrait aussi faire confiance aux institutions judiciaires qui devraient bien suivre cette affaire, nous dire finalement si cette personne, d'une façon ou d'une autre, a trempé dans ces massacres. Parce que personnellement, moi, j'ai passé le cap de l'idéalisation. Tout est possible ici. L'attitude de l'Église pendant le génocide est un sujet qui fâche et divise. L'année dernière, des prêtres rwandais ont demandé la mise en place d'une commission pour examiner les accusations récurrentes sur le rôle historique de l'Église et la participation de certains de ses membres au génocide. Une proposition restait sans suite. De leur côté, certains fidèles laïcs souhaiteraient que l'Église rwandaise reconnaisse sa responsabilité collective dans le génocide et demande pardon à la nation. Cette requête auprès d'une institution qui a perdu 192 de ses membres et qui s'estime donc victime a très peu de chances d'aboutir. Et comme le rappelait un évêque, sous le sceau de l'anonymat, l'Église est trop fragile aujourd'hui pour se remettre en question. Il faudra peut-être attendre 50 ans, comme pour l'autre génocide. Monseigneur Misago. Il y en a qui disent voilà que l'Église est puissante, disons impuissante. Il dit voilà, même quand on m'interroge, il dit mais vous dites, à ce moment-là, en 1994, mais vous étiez évêque, comme évêque, vous aviez donc, vous êtes un homme puissant qui a beaucoup de puissance, de pouvoir, tout ce que vous voulez, mais qui peut même être plus influent que le préfet. C'est trop vite dit. J'ai dit à quelqu'un qui m'interrogeait, dit si ce pouvoir que vous pensez que j'ai comme évêque, que je l'avais, je n'accepterais pas d'être traité comme ça. Je l'emploierai pour ne pas être traité comme ça. C'est au pouvoir qu'on met sur le compte de l'Église. C'est un faux pouvoir. C'est une illusion. On croit que l'Église est puissante, mais en fait, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Si elle l'était, les choses seraient différentes. Parce que de toute façon, l'Église parle, on dénonce certaines choses. Mais ça, malgré tout, ça n'empêche pas les politiciens de continuer leur programme, leur chemin. Ils s'en foutent de ce qu'on dit. Comment dire, quelle influence pouvons-nous avoir finalement? L'Église catholique dans le pays n'a jamais représenté même pas la moitié de la population. Il faut savoir ça. Que ce n'est pas l'Église catholique au Rwanda, jusque maintenant, n'est même pas encore 50% de la population. Il faut savoir ça. Donc, ça veut dire que l'Église catholique n'est pas si puissante que ça. Et même quand vous dites, même si on est 48% de la population, tous ces 48%, ça ne veut pas dire que ce sont des enfants de cœur. Hein. Ce ne sont pas des gens qui vont à la messe tous les jours. Hein. Personnellement, je m'inquiète, ça m'inquiète beaucoup de voir pour cet acharnement. Mais peut-être c'est que aussi peut y avoir. Des forces, certaines forces plus ou moins obscures qui ont peur de l'Église catholique parce qu'elle a d'autres orientations aussi qui peut-être ne sont pas dans la ligne de ces autres forces. C'est un peu ça, je pense. Quand même, oui, dans le génocide, il y a eu des chrétiens qui ont été impliqués dans cela. Mais ils n'ont pas oublié aussi des centaines de milliers d'autres qui se sont tenus à l'écart. Bon, de toute façon, l'Église n'a pas failli dans sa mission. Si on peut parler de faillite de la mission de l'Église, c'est au même sens qu'on peut dire que Jésus-Christ lui-même a échoué dans sa mission. Parce qu'il a prêché, des foules couraient derrière lui, et puis, vous voyez, ce que ça a donné, et quelque temps après, on disait crucifiez-le le vendredi saint. Oui, donc, quand les gens disent qu'il faut que l'Église catholique demande pardon, vous pensez que il n'y a aucune raison pour cela? Demander pardon, c'est maintenant le slogan. Mais je pense que sur ce point-là, le message du pape lui-même qu'il nous a donné en 96 le dit clairement, que l'Église comme telle ne peut pas être rendue responsable du génocide Rwanda. Mais, par ailleurs, ça c'est une chose auquel il faut, un principe sur lequel il faut tenir. Deuxième chose, dit le pape, mais s'il y a des membres de l'Église ont été impliqués dedans, chacun d'eux, à titre personnel, doit avoir le courage de reconnaître sa responsabilité, sa culpabilité. Et c'est comme ça, on ne peut pas commencer à dire, voilà, vite, demander pardon, on va dire que, c'est reconnaître que oui, que ce qu'on dit est vrai, que donc on est responsable. Aussi longtemps que cette responsabilité n'est pas prouvée, on ne peut pas demander pardon. Ce refus de la responsabilité collective se retrouve dans d'autres confessions. Aminadav Munyandekwe, pasteur protestant, incarcéré à la prison centrale de Kigali, accusé d'avoir livré des fidèles aux tueurs. I was in Nyamirambo Church. I was there in Nyamirambo Church. So I moved from there to Bukavu. But during the genocide, what were you doing? I was with others in the church. Pendant le génocide, j'étais dans l'église de Nyamirambo d'Avril Amé. Il y avait beaucoup de réfugiés dans mon église. Je les ai reçus, je leur ai donné à manger, je les ai aidés comme j'ai pu. Les temps étaient difficiles. Quand la guerre est devenue terrible, je me suis enfui vers Bukavu. On m'a accusé injustement de non-assistance à personne en danger. But it was wrong because those whom I was with them, even today they are still alive. Those who are in our church were not killed. Ceux qui étaient dans mon église n'ont pas été tués. S'ils l'ont été, c'est en mon absence. But the whole time when I was there, nobody killed there. Even they are still alive until today. I was accused wrong. We have a big job to do. I mean, we have a big work to do. To help these people. Les églises ont du pain sur la planche pour remettre les hommes dans le droit chemin. To do not such work for the future. So if they do oppositely, this is the lost thing of credibility. Nous avons perdu de notre crédibilité. Si certains chrétiens ont mal agi, ce n'est pas l'église en tant qu'institution qu'il faut blâmer. Si c'était l'église qui avait poussé les gens à commettre le génocide, elle devrait demander pardon. Mais si ce n'est pas elle, elle n'a pas à s'excuser. Ce sont ceux qui ont commis des actes innommables qui doivent demander pardon. Demander à l'Église de demander pardon, reconnaître d'abord sa faute. Je crois, vous savez, c'est une question de sensibilité. Ici, au Rwanda, nous avons deux sensibilités complètement divergentes. Vis-à-vis du génocide, il y en a qui, jusqu'ici, ne voient pas ce que d'autres voient. Je vous parle d'une révolte parce que le président avait été tué, une colère populaire, des choses comme ça. Et puis, alors, on parle de double génocide. Enfin, tout est noyé. Le génocide n'est pas vu comme quelque chose d'aussi grave que ce que les autres voient. Et à partir de cette vision, tous les jugements qu'on porte pour l'Église, sur l'Église, sont complètement divergents, opposés. Donc, dans l'Église, en tout cas au sein des évêques, il n'y a pas encore cette sensibilité. Il y a un prêtre qui disait, on n'a pas encore fait le deuil. Alors, si on n'a pas fait le deuil, il n'y a pas moyen de demander pardon. On ne sait pas pourquoi on demande pardon. Et peut-être qu'il faut reconnaître que c'est cela, on peut dire que c'est une aberration, mais c'est une réalité psychologique. Les gens ne voient pas le génocide comme d'autres le voient. Ceux qui ont perdu les leurs, qui étaient victimes du génocide, ne le voient pas comme ceux qui l'ont commis. Ceux qui l'ont commis ne voient qu'un acte de bravoure qu'il faudrait même continuer. Alors l'Église là-dedans se trouve avec ses membres, qui ont ces sentiments divergents. Et ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour vous dire « nous reconnaissons le mal ». Et je crois qu'il faut leur donner du temps. Le pape, dans la lettre qu'il a écrite pour inaugurer le jubilé de l'an 2000, il a dit que l'Église doit reconnaître la faute de ses enfants. Et il assumait, il le dit, c'est écrit. Moi, je l'ai produit dans la lettre que j'ai écrite, une lettre de la commission justice et paix. En éditorial, j'ai mis cette phrase très forte du pape, où dites-nous toutes les platitudes que bêtises que les chrétiens ont commises, pendant ces 2000 ans, nous devons les assumer et demander pardon. C'est ainsi que nous nous entrons dans le jubilé. Ici. L'arrestation des religieux, le débat sur le rôle des églises chrétiennes n'ont pas entamé la foi des Rwandais. On n'a jamais autant prié dans ce pays. Ceux qui ne veulent plus fréquenter les églises se retrouvent au sein des mouvements charismatiques ou des sectes qui se sont multipliées depuis le génocide, des sectes qui récupèrent à bon compte la détresse des Rwandais. Dans des centres de prière improvisés un peu partout, il n'y a plus ni Hutu ni Tutsi, mais des hommes nouveaux, le génocide et les massacres, des manifestations du diable. Privat Rotazibwa. La caractéristique commune de ces mouvements, c'est qu'ils mettent l'accent sur le rôle d'un chacun. Donc c'est un cheminement vraiment d'abord individuel. Ces gens qui doivent faire son chemin, faire sa rencontre avec ce qu'ils appellent Dieu ou le Christ, je ne sais pas, ça dépend des prédicateurs. Mais ce que j'apprécie justement, c'est ce cheminement individuel, ce qui n'est pas le cas avec les confessions traditionnelles. On donne trop de rôle à la pratique des rites, les célébrations, et le rôle surtout des médiateurs que sont les évêques, les prêtres et les autres. Mais là, c'est davantage, c'est des gens qui vous incitent à vous engager vous-même, à faire une découverte individuelle. Et c'est vraiment un cheminement, à mon avis, qui a peut-être aussi des résultats beaucoup plus positifs que ce que nous voyons ici. Parce que quand on voit une église comme la nôtre, l'église catholique, ça développe davantage, disons, c'est une institution qui s'auto-reproduit et donne plus d'importance à ses actions, à son importance, à son image, à son prestige. Et fait très peu de cas, disons, de ce travail de fond qu'il faut faire sur les esprits. Donc, ça ne transforme pas nécessairement les gens. Et justement, la preuve, c'est que, bon, on a vu une population christianisée en majorité, mais qui s'engage dans le génocide sans se poser trop de questions, même aujourd'hui, sans remords, sans repentir. Mais avec ces nouveaux mouvements, on sent quand même quelque chose de différent. C'est des gens qui veulent s'engager, qui se remettent en question et qui veulent vraiment être transformés. Et on sent qu'ils insistent beaucoup sur ça. Et là, je crois que si ces gars, disons, des dérapages éventuels, ils peuvent facilement donner plus de résultats, quoi. Des gens qui sont beaucoup plus corrects avec eux-mêmes, qui sont plus honnêtes avec leurs engagements et disons, ce qu'ils professent comme foi. Et parce qu'avec l'Église, je dois dire que c'est la catastrophe aujourd'hui. Je pense que, dans un premier temps, je crois que c'est des mouvements qui répondent à des besoins psychologiques et divers. Donc, dans un premier temps, je crois que justement cet aspect thérapeutique et psychologique, il est très présent. Et je trouve qu'il est légitime même. Rwanda, 1999. Des chrétiens dans la tourmente. Avec le père Octave, jésuite, secrétaire de la commission épiscopale justice et paix, le père Eustache, curé de la paroisse de Chirungi, le pasteur Aminadav Munyandekwe, incarcéré à la prison de Kigali, Privat Rutazibwa, journaliste, et Jean-Christophe, détenu à la prison centrale de Kigali. Rwanda, 1999. Revivre à tout prix. Stéphane Ourlier, Mehdi El Hadj, Madeleine Mukamabano. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter Ania Mata, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, le temps du pardon. Et pour encore plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs.